Podza, bleu label des gens couillus. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Alors, cette semaine au programme, on va parler de Puppet Master 2, puis de Puppet Master 3, puisque j'étais dans la foulée. Je vous aurais bien parlé du 4, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, en troisième film, je vous parlerai de Spree, un petit film d'horreur, je crois, qui a été longtemps une exclusivité Shadows, mais qui est depuis passé chez Amazon Prime. Et enfin, pour finir après tant de bonnes nouvelles, le Corbeau va venir nous parler de Scream 7, énième franchise d'une série rincée dès le second opus. Chroniqué par le Corbeau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, commençons donc par Puppet Master 2, et je suis très content d'avoir pu voir la trilogie Puppet Master en HD, gratuitement, sur YouTube. Dire que certains attendent toujours leur crowdfunding. Bref, j'aime vraiment beaucoup la première trilogie Puppet Master, où chaque épisode est meilleur que le précédent, fait assez rare pour être noté. Donc vous aurez compris que je préfère cet épisode au premier. Maintenant que nous connaissons plutôt bien nos puppets, l'histoire se concentre sur leur créateur, André Toulon. Cet épisode en fait un antagoniste romantique. Attention, utilisez des guillemets quand je dis romantique plutôt dans le sens tragique. Il est ramené à la vie par ses marionnettes et veut en profiter pour tirer également sa chère épouse de sa tombe. Tout ceci pourrait être louable si, pour ce faire, il ne devait pas assassiner les jeunes enquêteurs paranormaux venus dans l'hôtel suite aux assassinats du précédent opus. Oh si, en fait, ça reste louable, finalement. Cerise sur le gâteau, l'apparition d'une nouvelle marionnette, sorte de soldat allemand avec une mâchoire en cartouchière et un bras lance-flammes. Curieuse idée quand on sait que Toulon détestait les nazis, qui l'ont d'ailleurs assassiné avec sa femme, et quand on connaît un minimum l'histoire d'Ouradour sur Glane, ce qui n'était probablement pas le cas de Charles Band, ceci dit. Cet opus a son lot de jeunes couillons prêts à mourir, plus ou moins salement, des mains des marionnettes, et a le mérite de ramener Toulon au centre des attentions, ce qui n'est finalement que justice. Pour le reste, on a tous les tropes du scientifique fou et de l'amour maudit mélangé au lore des puppets. Toulon est visuellement un peu ridicule, et offre au métrage une touche baroque détonnante avec le reste. Mais c'était franchement une chouette petite série B que j'ai beaucoup appréciée. Et si nous passions maintenant à Puppet Master 3, tout simplement le meilleur volet de la trilogie initiale. Cette fois, André Toulon et ses marionnettes sont les vrais héros de cet épisode, et franchement, bah ça me plaît bien. En 3 épisodes, je me suis étrangement attaché à ces petits êtres de bois, et pour aussi bizarre que ce soit, j'ai aussi beaucoup de sympathie pour leur créateur, lâchement exécuté par des nazis dans le premier volet. Mais puisqu'il s'agit d'un préquel, nous allons donc voir comment ces fumiers, sous l'égide du Major Krause, incarné vicieusement par l'incroyable Richard Lynch, ont tué sa femme et voulu le faire plier à leur service. Mais Toulon n'est pas homme à se laisser faire, et avec l'aide de ses amis magiques, il va se venger et buter du nazi à la pelle. Et moi, j'aime bien quand ça bute du nazi sans tortiller du cul. Ça commence un peu à me manquer. On ne rappellera jamais assez à quel point ces petites merdes sont des nuisibles. Bref, revenons au film à proprement parler. Puisqu'il est vraiment chouette, il est bien rythmé, les puppets sont présentes, les morts plutôt graphiques et le rythme est soutenu. Bien sûr, on retrouve le thème musical, toujours aussi agréable, mais aussi une très chouette BO en général. Les décors sont plutôt amusants, c'est pas crédible pour un sou, mais on apprécie la balade comme une visite dans un parc d'attractions. N'en déplaise à certains. Franchement, j'ai adoré ce troisième opus, c'est une très belle série B, bien troussée, avec un vrai grand méchant et un côté absolument jouissif. Ben oui, voir des nazis se faire démastiquer salement par des marionnettes magiques et sadiques, c'est toujours un succès, comme dirait l'autre. Enfin, pour le moment, en tout cas. Bon, ben voilà pour ce qui est de Puppet Master 3, je vous propose maintenant de passer à Spree. Et l'autre jour, j'ai dû prendre le train. Et pour passer le temps dans le TER de 57 qui m'emmenait à Paris avant d'aller à Montpellier, hein, soit 6h30 de train. Quoi de mieux qu'un petit film d'horreur conceptuel à petit budget. Et ce fut un choix, ma foi, très judicieux, tant ce Spree est un film de grande qualité. L'histoire colobasque d'un jeune homme clairement en manque de reconnaissance. Mais pas d'imagination, en tout cas, il a une super idée pour sa chaîne YouTube, du jamais vu. Il a pris un job chez Spree, une sorte de clone d'Uber, et remplit sa voiture de caméras pour filmer ses trajets. Jusque-là, rien de palpitant, direz-vous. Certes, mais c'est un film d'horreur, et notre petit malin empoisonne notamment ses bouteilles d'eau, et filme donc ses meurtres en direct. Et ça, c'est le point de départ d'une cavale sanglante et d'un jeu de massacre assez pertinent et assez amusant. Le fond et la forme sont très bien vus, le réal joue autant avec les codes du cinéma traditionnel qu'avec ceux de YouTube ou des réseaux sociaux, notamment TikTok. La détresse morale et affective de notre protagoniste, Kurt, incarné avec talent par Joe Kerry entre deux saisons de Stranger Things, est totalement palpable et plutôt bien pensé. On en vient finalement à ne pas détester totalement ce psychopathe omnubilé par la fame des réseaux sociaux. Il fait presque autant de peine qu'il fait peur, avec des grosses guillemets, ce n'est pas un Leatherface non plus. Et en plus d'être plus fin que prévu, Spree offre de bons moments de gore un peu moins malaisants comme les 4 bobos défoncés qui m'ont quand même tiré un grand sourire. Bref, un film d'horreur parfois crado, souvent malin, et porté par un acteur qui donne tout. Franchement, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Surtout, comme je le disais, qu'il est sur Amazon Prime, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil. Voilà, écoutons maintenant, après tant d'éloges de bons films d'horreur, écoutons maintenant Le Corbeau nous parler de Scream 7, et j'ai l'impression que la tonalité va être un pchouïa différente. Eh oui, Scream 7, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une franchise d'une telle qualité n'est pas une nouvelle suite. Ben non en fait. Ils ont dû signer un gros chèque à Neve Campbell pour revenir dans cette suite fadasse qui voit évidemment Ghostface tuer des gens parce qu'il faut bien aussi que le réalisateur Kevin Williamson se nourrisse. Parce que le retour de Ghostface est complètement tiré par les cheveux. On nous avait sorti la mère, la famille, des admirateurs, et là, n'importe quel gugus peut vouloir tuer Sidney et sa fille Tatum parce qu'il a une vie de merde. On joue avec les fausses pistes, les petits copains et les amis proches pour essayer de nous perdre. Mais personne n'est perdu, juste blasé en attendant la résolution qui n'étonne pas vraiment et est juste logique vu comment les personnages sont amenés. Logique mais complètement con. On nous sort des deepfakes avec une IA qui imite tout, Matthew Lillard du premier film, et un Ghostface qui repousse toutes les limites de résistance humaine. Ce qui était un gimmick un peu drôle dans le premier film est devenu une parodie. Et que je te prends des tables, des pelles, des coups de poing de forain dans la gueule, vas-y que je chute et rechute, le perso n'a jamais une marque sur le visage, pas un bleu ou une égratignure. Je ne parle même pas de sa résistance aux balles ou aux coups de couteau. Purée, c'est l'enfant illégitime de Terminator et de Jason. Je veux bien suspendre mon incrédulité, mais là, elle est dans la stratosphère. Sidney court partout pour sauver sa fille, pendant à peu près 2 heures, la durée classique d'un métrage de cette franchise. Je ne vous parle même pas de la ville qui, dès que le tueur apparaît, se transforme en ville fantôme. Même pas un putain de redneck avec un fusil pour leur venir en aide. C'est bien la peine d'avoir plus d'une arme par foyer, si c'est pour ne pas s'en servir. Une pensée aussi pour Courtney Cox, qu'on a sorti du formol pour venir toucher son chèque. Elle n'est même plus un personnage. C'est un accessoire qu'on ressort pour faire plaisir aux fans. Le film est présenté comme une satire de la nostalgie dans les films d'horreur, matinée de deepfake et de critiques du fandom. Mouais. Je vois juste une pompe à fric qui joue sur la nostalgie et qui a élargi sa base aux ados d'aujourd'hui. Il ne faut pas vous en vouloir, Michael, Jason et Freddy ont déjà fait la même. Rien de neuf sous le soleil. Mais vu les résultats au box-office, on est assuré de voir surgir d'ici 2 ou 3 ans un 8, puis un numéro 9 et sans doute un reboot. Purée, quelle misère. À la surprise générale, il n'a pas aimé. Mais pourquoi il va s'infliger ça? Je comprends pas. Déjà, Scream 5, il avait pas aimé. Scream 6, il avait pas aimé. Il sait qu'il va pas aimer le 7, enfin. Il y avait rien de... Pourquoi il y était? Merde. Moi, à sa place, j'aurais pas été. Je serais pas tombé sur cette colline. Enfin. Bon, maintenant qu'il en a dit que c'était de la merde, j'avoue, je suis un peu curieux. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Cette semaine, rien, je devais sortir le blindcast, mais en fait, on l'a enregistré cette semaine, alors voilà. Par contre, je vais mettre les bouchées doubles, et je pense que le blindcast spécial film français va sortir la semaine prochaine, avec l'ami Mergreen comme invité. En dehors de ça, pas encore de pote de la crypte de prévu la semaine prochaine, ça ce sera un peu plus tard. Nostalgie qui est sorti cette semaine sur Hard West, un chouette épisode, enfin je me suis bien amusé à l'enregistrer en tout cas. Et voilà, si vous voulez me retrouver, il y avait tout ça quand même, et puis la semaine prochaine, il y aura normalement un Pierre des Proches est étonnant. Sur le flux de Planet of the Tapes. Et pour ce ciné dimanche, et bien écoutez, si vous m'avez écouté, c'est que vous savez où me trouver, a priori sur le flux des deux branques, ou dans la gazette. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Salut à tous!